321 activation dictation. Listen and write in the missing words. Ousmane, un ami. Annick, une amie. Sophie, Philippe, les amis. Ousmane, un ami. Annick, une amie. Sophie, Philippe, des amis.